chick, chick, chick, chick, chick, chick. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici avec vous ce soir. Alors ce soir, je fais une expérience. Je voudrais commencer par dire un bonjour à Infinite Drum Loop, qui est le musicien qu'on entend en arrière. Il est au Japon présentement. Fait que lui est en train de jammer dans son studio au Japon. Il y a une git qui vient d'arriver. La git est EG, un copain aux États-Unis, donc je sais pas en tout ce que ça va donner comme soirée, mais à partir de là, on va voir qu'est-ce que ça décolle. So, everybody, everywhere, we've got Infinite Drum Loop in Japan, hi, and we've got Mr. EJ in the United States. So, just to let you know that you're live in the bar à Piton in Saguenay-Lac-Saint-Jean. So, have a great night. I'm Je crois pas. So I'd just like to take a minute here to say hi to Lodi from Canada, Marinara from the United States, and we still got Infinite Drum Loop here with us, and EJ. So guys, we are now live from the Bar à Piton in Quebec City in Canada. my point. But you say that your style is the equal of mine. And so I challenge you that my style should stand alone. Le mec au fur et à mesure de sa chute. supplies in the forest. It migrates to our cream. It migrates to our green Welshman. Ravages our crops. Ravages our crops. That man is a nuisance. Up his food supplies in the forest, then migrates to our green belt. The ravages our crops. The ravages our crops. Ravages our crops. Ravages our crops. as your attorney, I advise you to take a hit out of the little brown bottle in my shaving kit. Ceci